blessure qui dégouline. Je vais m'y introduire, ma fine. Je me t'achète dans une lente. Quand je la vois, je fonds. J'ai des cuisses, j'ai me son écœurante odeur, et rouge, et sa couleur. Le choix dans la date. Présente-moi ton arrière-train pour que j'ai pour tout mon argent. Dans une glace, à l'envers, de côté, de face. Petite, maman est très loin. Il faut la vie et la danse. Oh, il y a quelqu'un en toi. Le soir, dans la tête. J'ai pas mon sexe ancré sortir. J'ai pas tes laisses rougir. Dis-moi, les mensurations. Je te dirai la date de tes mensurations. Dans ton cul.